Bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir, Monsieur Melon. Bonjour, Monsieur Grigoula. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle émission du secret du son d'Abba avec toujours du bon son. On va tout de suite commencer par Cyclo, une nouveauté toute fraîche. Presque, c'est sorti courant 2011, on n'est pas à 3 mois près, Mais on est, c'est la grande fraîcheur ici. Voilà, c'est toujours fresh, on va l'entendre à l'écoute de ce ID05 sorti chez Raster Noton. C'est à nous avec Cyclo à l'instant dans le secret du son d'Abba avec le morceau ID numéro 5. Voilà, l'album ID, donc avec des sons composés sur la période 2000-2010, le précédent album datant de 2001, si je ne m'abuse. C'était déjà chez Raster Noton. Cyclo, c'est le duo spécialisé dans l'art de manier les fréquences extrêmes du spectre. Ryochi Ikeda, le japonais, Karsten Nikolai, qui réside à Berlin, qu'on connaît évidemment et qu'on a diffusé plus d'une fois sous son alias principal, Alvanoto. C'est vraiment c'est une expérience physique, les disques de Cyclo, ça pique, ça estomaque, ça vrille, ça étourdit. On a envie d'essayer ça sur les pistes de danse, tu vois, histoire de les transformer en centre d'entraînement pour mise en orbite. Ou intégration directe en HP. C'est vrai que ça a un côté électronique déshumanisé. Alors ils testent tout un tas de logiciels, de nouveaux process. Je vous passe les détails. Il faut pour vraiment se l'approprier dans les meilleures conditions et tester ça dans toute sa largeur. Avoir évidemment un super système son. On déconseille ça sur iPod, autrement dit. Voilà. Un peu comme vous l'écoutez là, un petit peu son compressé, c'est pas l'idéal. Vraiment pas l'idéal. Il vaut mieux s'acheter le CD ou se choper le vinyle avec certains de la dizaine de morceaux, des 11 morceaux publiés sur CD, il y en a simplement 4 sur le EP. Je vous conseille éventuellement les deux. Enfin bon, on n'est pas dans un moment où on peut tout s'acheter, mais vraiment une expérience à vivre, Cyclo. On reste à l'HP ? Bah ouais, carrément, Mika Vagno, bah, il est en pleine forme, semble-t-il, avec un nouvel effort. Voilà, c'est aussi un habitué de Raster Noton. Cette fois, on le retrouve chez les voisins de Édition Mego, eux aussi spécialisés dans les aventures un petit peu extrêmes, aventures sonores un peu extrêmes. J'ai envie de dire que cet album Life It Eats You Up, sorti chez Mego donc cette année, en 2011, est peut-être un poil moins autiste que ses précédents disques en solo, peut-être plus proche de ce qu'il fait avec de ce qu'il faisait avec Panasonic, le duo Panasonic, alternant les trous noirs, effectivement les séjours en chambre d'isolement, mais aussi les décharges rythmiques propres à Panasonic. C'est un album assez varié. Moi, je l'ai écouté, voilà, parce que j'ai pu l'écouter. Je l'ai même trouvé un poil inégal en fait par rapport à différents. Je me demandais à un moment si c'était pas une compilation de différents travaux de Mika Vagno, parce qu'on a vraiment des choses assez différentes, des climats, tu disais un peu, des choses assez rythmiques, mais aussi des choses presque climatiques, quoi, avec fort niveau sonore, mais c'est marrant. Voilà, je sais pas quel morceau tu as choisi, mais... J'ai pas d'informations plus précises sur la... Parce que c'est possible, ça fait partie de ces artistes qui voyagent beaucoup, qui composent, je dirais, entre deux chambres d'hôtel, qui réunissent un certain nombre de sons, puis qu'à un moment donné se posent pour les assembler. C'est possible que le caractère éclectique vienne tout simplement de son mode de vie, à ce brave Mika Vagno. Alors j'ai choisi le morceau Conquering the Solitude, qui est plutôt... j'avais envie de passer quelque chose... plutôt dans les ambiances drone, ambiantes. Fun, quoi. Voilà, très fun. Fun et funky. On remarquera qu'il y a vraiment des... on est à certains moments aux frontières du métal, du doom-drome, et qu'à la manière des Somatic Responses, qui donnent des leçons de dubstep dès qu'ils s'y mettent, ben c'est pareil. Je pense qu'il y a un certain nombre de suiveurs là qui fera bien de se poser et puis d'écouter cet album de Mika Vagno. Donc on va s'écouter Conquering the Solitude sur l'album Life It Eats You Up sur l'édition Mego. Thank you. Legion of Two. Yes, avec le morceau It Really Does Take Time. Excellent. Voilà, excellente découverte. Legion of Two, comme leur nom l'indique, ils sont deux. C'est Alan Boyle et David Lassay. Des Irlandais, c'est pas... Ça n'est pas si courant, mon cher Rigoula, que nous fassions un détour par l'Irlande. C'est pas fait. Si loin de nous, pourtant. C'est fait. Et pour le coup, un petit retour en arrière, puisqu'on est, on est remonté en 2009. On n'est pas allé bien loin. Hein. Tout simplement parce qu'on on avait eu l'occasion d'évoquer très ponctuellement leur nom, puisqu'ils ont participé à l'album et au maxi album, enfin maxi puis album de remix de du crew Cloaks de Birmingham tout récemment. On avait eu l'occasion de s'en régaler, enfin pas de leur remix, mais du Cloaks en question. Et puis ça m'avait donné l'idée de finalement retourner voir de quoi il s'agissait. Donc cet album est sorti chez Planète Mu. C'est vrai qu'on aurait très bien pu entendre ça, j'ai envie de penser, du côté de chez Jarin Effect finalement. Le côté dub, électro-dub avec une sauce qui monte, qui n'en finit plus de monter, avec des influences noise, indus, un petit côté froid comme ça. Donc de groove là, vraiment. Leur secret, si c'en est un, c'est simplement de mixer des percus live avec des sons électroniques. L'ensemble des 9 morceaux est à l'image de celui-ci, parfois presque j'ai pas envie de dire le double de temps, mais enfin plus long, avec vraiment une manière de monter la musique, enfin leur atmosphère, le son en épingle comme ça, jusqu'à se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Il y a vraiment un côté très progressif et puissant qui est assez savoureux, et un album qui au départ paye peut-être pas de mine et qui vaut le coup de s'y replonger. Legion of Two. Voilà, l'album Riffs. Ouais, c'était en 2009. Donc, 2009 chez Planète Mu. On continue et on va quitter, même si on était un peu dans une sorte de dub progressif, on va vers des choses un peu plus chaloupées avec notre séquence. Ensoleillée. Ensoleillée, dance floor, on va dire. Avec un extrait de cette compile du label de l'ami Diplo. Diplo, je vous rappelle, personnage. Prince d'un certain dubstep, dancehall, et qu'on trouve chez Ninja Tune, etc. Et qui vient de sortir une compilation, un deuxième volume, Blown Your Head, volume 2, Dave Neda présente Moonbaton. Et oui, on va parler de Moonbaton. Comment expliquer Moonbaton, hein, c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai fait ma sauce. On n'est pas si loin du Kuduro, quoi. Ouais, alors, ça mélange. Ah, j'ai pas trop mis de trucs Kuduro. Moi, je trouve que c'est plus un mélange de cumbia digita, de reggaeton, de dubstep, une sorte de house primitive. Voilà, c'est un peu. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ce sous-genre. Enfin, on verra ce qu'on en dit les mois prochains. En tout cas, on va écouter un extrait de cette compilation, Blood Your Head 2. On va écouter donc Diplo entouré de La Fine Fleur, de Dylan Francis et de Maluka au chant, avec le morceau Keke. Et voilà, bah, ça y est, vous pouvez laisser tomber les manteaux et sortir les shorties. Step back. Yeah man, I'm young, so creep alongside South Rockers, yeah. And I wish I got health and wealth and nothing else but a big 4-5. Protect yourself for the things that scabbers and teeth and felt. Oh well, a soul gone to hell, I don't need some wife for them. This is a revival of the Tiger Style. Where you think man you are from? Man you are from? Man you are from? Man you are from? You feel them your jump, them your jump, them your jump, them your jump. Them say that them are. morceau Strascast dans le secret du son là-bas avec le morceau Renegade Tiger Style Remix. Sauce Rascas tiré d'un EP sorti début 2011 qui a suivi leur album sorti en 2010. Voilà un EP qui chauffe les dance floors où on sent bien les mélanges un peu carabéen, un peu dubstep, un peu raga, etc. On est dans la place là. On est un peu dans la place. Il est au cœur du truc le type là. Carrément, Sauce Rascas c'est un peu les mecs qu'on croise un peu partout sur dans toutes les scènes qui regroupent un peu. J'ai un peu tendance à les comparer avec les Foreign Beggars qui c'est un collectif c'est aussi un sorte de collectif plutôt évidemment américaine et un peu dans l'esprit de Foreign Beggars qui mélangeait garage UK hip hop grime etc fin des années 2000 on est en 2011 on peut même dire que les années 2000 et Sauce Rascas bah eux c'est tout le nouveau pendant on va dire reggaeton moonbaton dubstep etc qui va faire crever tout le monde sur les dance floors et j'espère bien qu'on verra ça très prochainement à Lorient. Tu parlais du Tiger Style Remix, ça suppose qu'il y a du Tiger Beat 6 dans le coup ? Eh ben sûrement si. Voilà, c'est pas étonnant quoi, de retrouver le Kid 606 dans l'histoire. Hein. On sait qu'il a toujours été sentir les nouveaux filons dance floor, etc. On l'a déjà vu quand même remixer toute la fine fleur. Tout à fait, ouais. C'était un des remixeurs privilégiés des artistes dans le vent il n'y a pas si longtemps, même si ça s'est peut-être un poil calmé. Mais sous ce rasca, je pense que voilà, on va entendre parler. Hein, c'est bizarre, mais bon, je pense que là. Il faut que le buzz se fasse, etc. Faut que monsieur. On a attendu l'avance, quoi. C'est ouais, dire. Presque. Bientôt dans Noise, bientôt au Transmusical de Rennes. Alors, Black Cobra. C'est le grand écart de la soirée. On quitte les Caraïbes ou la Floride pour rejoindre le New Jersey. Je crois que c'est le bayou des Carpates. Ouais. Bah non! Juste le froid du New Jersey, le froid humide avec Black Cobra et leur troisième album. Alors vraiment Black Cobra c'était un duo guitare-batterie assez génial en concert et leurs albums, peut-être le premier était vraiment super, bestial, il s'appelait tout un poème. On trouvait qu'on avait du mal, le groupe avait du mal à restituer la violence de leurs propos sur scène et là grâce à notre ami Balou, Kurt Balou de Converge et son petit studio à Boston. Black Cobra qui a signé sur Southern Lord sort sûrement leur meilleur album, en tout cas peut-être mon préféré. Il s'appelle Invernal. On va écouter un extrait donc avec Avalanche, c'est le troisième album. Et je crois que tout est dit. Black Cobra dans le secret du son là-bas. Was stolen us blood. c'était la séquence gras et légère du Secret du son d'Abba, Black Cobra, et juste un instant Ultra Coït avec leur morceau Dickheads. J'ai envie de dire que tu vois, là, tout à l'heure on était à la plage et puis là il y a un super tanker qui s'est échoué. et qui dégaze, mais grave quoi. Donc Ultra Coït. 20 000 tonnes de fuel lourd, ouais, qui se sont abattus. Ou de sperme, parce que c'est comme ça que s'intitule cette EP, The Sperm, d'Ultra Coït. Ils sont parisiens, on retrouve les potes de Do You Compute dedans, etc. C'est sorti sur Réjuvénation. C'est plein, c'est délicat, c'est léger, c'est noise rock à l'ancienne, très unsegnien, mais avec quelque chose de très cru, de très voilà, de très direct aussi. Vite dans ton cul quoi. Vite dans ton cul. Et vraiment un chouette EP sorti courant 2011 que je recommande à tous les aficionados d'unseign, mais pas seulement. Je pense qu'il y a quelque chose de plus dans cette EP et que je recommande seulement. Rapidement quelques mots sur leur concert, hein. Ils jouent en Coagoule SM, et pour ceux qui habitent à Paris, ils ont la chance de voir leur maîtresse qui les fouette pendant l'entrée de leur concert. C'est tout un spectacle. Ultra Coït, c'est à voir mais c'est aussi à entendre. On poursuit avec Dead Fader. On reste dans le punk, punk version électro. On jette les guitares, on branche les machines. De ce punk électro qui passe pas 3 heures à se maquiller, qui va à l'essentiel. C'est ce qu'on aime chez Dead Fader. Dead Fader, c'est, on le rappelle, hein, c'est ce combo qui nous sert aussi de générique. On ne se cache plus. C'est la clique Birmingham. C'est donc là aussi, il y a du fuel, il y a du gasoil, il y a de la scorie, il y a de la sidérurgie. Tout ce qu'on aime à Birmingham, c'est le pays de l'écologie. Ça sort néanmoins, non pas sur le label de Cloth 3x3 pour une fois, mais on revient chez Tiger Beat 6. Ça sort chez Tiger Beat 6. C'est le Lucky avec 3 E EP. Et on va s'écouter, si je ne m'abuse, le morceau qui l'ouvre. I'm not going to be able to do that. Balkanski dans Fire. Le secret du son d'abat. Avec Fire, quel tube, on disait hors antenne. Gros tube. Grosse balle d'upstep. Alors il est pas tout seul, il est avec, avec Loop Stepwalker. Alors je vais dire quand même deux mots de ces deux garçons, parce que l'un et l'autre c'est la première fois qu'on les diffuse dans le secret. Dans le secret. Loop Stepwalker, on va commencer par celui dont la carrière est pour le moment la plus courte. C'est un jeune producteur espagnol qu'on a déjà croisé aux côtés de Sinister Soul, qui est un autre projet de, on va dire, de dubstep assez sombre, et qui collabore manifestement. Alors j'ai pas toute sa discographie, mais avec les pointures du genre Broken Note, Niveau Zéro et d'autres. Et puis Balkanski. Alors Balkanski, c'est vrai qu'il est dans la place en ce moment, hein, c'est la locomotive, la nouvelle locomotive du dubstep. Alors il est d'origine bulgare. À mon avis, je pense, il est déjà en train de faire ses cartons pour partir à Berlin, très logiquement. Ou London. Voilà, où ça se passe. Courtisé, voire déjà, il s'est mis dans la poche les labels qui comptent du moment, Substrack, Home Resistance, où il sort un album, il a sorti un album ces dernières semaines. Et puis, avec Loop Stepwalker, donc pour le label berlinois Ad Nauseam, justement. La fine fleur, quoi. La fine fleur. Alors Balkanski, donc c'est pas un premier venu, c'est quelqu'un qui est déjà dans la place, notamment sous un autre pseudo, Ko ou Ku, je sais pas comment ça se prononce, C2OH, où il y a déjà une vingtaine de maxi à son actif, dans le registre plutôt drum and bass, hard drum and bass, heavy drum, etc. Là encore, aux côtés des gens qui comptent, The Outside Agency, The Panacea, Current Value, Machine Code, enfin c'est un peu les mêmes, tout ça, tu vas me dire, mais voilà, donc... Les gens, quand même, la légèreté, quand même. Voilà, et alors, la finesse. Sous son alias Norman Bass, j'ai pas rencontré énormément de choses qui m'aient emballé, autant quand il se met à faire du dubstep, qui ralentit un peu le mouvement, qui laisse de l'espace, qui le... Il est fort, là. Voilà, là vraiment, on vient de l'entendre, ça sonne, ça percute, c'est puissant, hein. Ça percute. C'est le Fractal EP, donc, et semble-t-il qu'il y a un album qui s'appelle Adhesion, je sais pas comment on dit en anglais, hein, qui soit vient de sortir, soit est sorti, soit va sortir. C'est bientôt Noël, quoi. C'est bientôt Noël. On poursuit, on revient au rock'n'roll avec deux formations qu'on a pu voir en concert lors d'une tournée commune. C'est Sophie Major et Membrane. Ils viennent de sortir un split EP commun, split LP même, parce que ça fait quand même 8 morceaux, 3 pour Membrane, 4 pour Sophie Major. Sophie Major est un trio aujourd'hui de Clermont-Ferrand, toujours, et ils faisaient un peu dans le registre Scream Hardcore, plutôt bienvenu en 2005. En 2011, ils sont largement plus sévèrement burnés, ils jouent du hardcore plombé, pas loin de Tantrum, pas loin de Mastodon, Baroness, etc. Donc avec vraiment des effluves métal, mais toujours hyper bienvenus, toujours bien pensés. J'avais beaucoup aimé leur album qui s'appelait Permission to Engage, c'était leur premier album, vraiment hyper bien foutu, très varié, etc. Les 4 nouveaux morceaux disponibles sur ce EP, avec split EP avec Membrane, ils sont du même acabit, c'est vraiment de la belle cam. Voilà, évidemment les noiseux première jus, ils n'y arrivent pas, quoi, ils comprennent pas ce lien avec le métal. Évidemment, Sophie Major écoute du métal, ça s'entend, et c'est bon, avec Some More Pills dans le secret du son là-bas. We'll be right back. Sophie Major avait sorti sur ce split LP avec Membrane un très bon morceau qu'on a écouté précédemment, Smormer Pills, mais les Membranes les mettent à l'amende avec Small Fires, un terrible morceau de 8 minutes qu'on vient d'écouter dans le secret du son d'Abba, tiré de cet excellent split LP sorti sur musique, industrie, etc., etc. Toute une série de labels français, un split LP chaudement recommandé. Membrane qu'on avait pu voir sur cette tournée commune là, avec Sophie Major au Mondo Bizarro à Rennes, qui nous avait mis une bonne branlée, en tout cas en matière de noise rock. Membrane de cette formation qui a fait finalement cette transition entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, enfin de la première décennie, et qui a su passer de Portobello Bone Centrum à des choses un peu comme on vient de l'entendre, peut-être un peu plus dure, un peu plus froide, un peu plus répétitive. Et en tout cas, c'est après trois albums, mais je pense que sur ces nouveaux morceaux, sur ce EP, Membrane arrive à quelque chose de vraiment très mature. Vraiment, j'aime beaucoup ces trois titres et dont un extrait qu'on vient d'écouter. On arrive à la fin de l'émission. Il est tard, Monsieur Melon, il est tard. On va écouter Régis. il est temps de terminer avec Carlo Connor. On en avait parlé à l'époque de la diffusion d'un extrait de l'album de Surgeon, puisque c'est un vieux complice d'Anthony Child, Surgeon. Ils ont notamment le duo British Murder Boys à leur actif, et puis on les a croisés l'un sur le label de l'un, l'autre sur le label de l'un, et inversement, et réciproquement, ils sont trop potes. Ils viennent de Birmingham, on reste à Birmingham, on retourne vraiment, à Birmingham. Birmingham, je te dis, 2012, c'est Birmingham. Le centre du monde. Depuis, c'est Birmingham. On le sait en 2010-2011, mais en 2012, boum. Voilà. Alors, oui et non, parce que entre-temps, Carlo Connor est parti habiter à Berlin. Ce non, mais il a pas compris. Mais bon, voilà, ça, la philosophie reste birminghamienne. Avec son premier EP pour un label de Londres, pour le coup, qui s'appelle Blackest Ever Black, le meilleur nom de label depuis 10 ans. Répète-le. Blackest Ever Black. Yes. Qui cultive une esthétique mi-romantique, mi-cold wave, sans jamais tomber dans la démonstration préfabriquée, comme certaines productions néo-cold que je ne citerai pas. Et qui, pour un label de musique sombre comme ça, ne verse pas non plus dans la mélodie ou les ambiances un petit peu faciles. C'est, il cultive un côté mi-intimiste, mi-techno de Hangar, puisqu'il s'agit quand même de musique électronique, puisant ses origines dans la rave music. Donc c'est le cas de Régis, donc, et qu'on va s'écouter sur le EP In a Syrian Tongue. Voilà, c'est assez atypique. Comme le nom du groupe, quoi, Régis. C'est pas étonnant, du coup, voilà, de retrouver des vieux roublards comme Régis, comme Mick Harris aussi, qu'on retrouve sur ce label. Donc, Blackest Ever Black, ça doit être le 5 ou 6e EP, je ne sais plus. C'est sorti cette année, c'est In a Syrian Tongue, le nom du EP. Et on termine là-dessus, mon cher Grigoula. Et tu as remarqué que j'ai réussi à pas... craqué mal. Alors que tu me lançais sur Régis par-ci, Régis par-là, je n'ai pas craqué. Ouais, et pas craqué. Alors que très malade. Je resterai stoïque jusqu'au bout. Bravo, monsieur Melon. On écoute Régis, on se dit bye bye. Merci David. Merci David, à bientôt. Bonne nuit.